Sa société qui nous devine ne tarde pas à me fêter. Je suis le saint du jour. Elle a de la confiance en moi. Rien n'est bien si je ne l'ai conseillé. Nous passons ainsi aux 6 mortelles semaines. J'oubliais qu'elle veut être la confidente de mes affaires. Un jour, j'arrive chez elle. Mon œil est agité. « Mais qu'as-tu donc, mon ami? Tu es bien sombre. Quoi ? » dis-je, en m'efforçant de sourire. « Pourrais-je apporter chez vous de l'humeur ? On me persécute. Je m'obstine à me taire. J'ai des distractions que le monde qui abonde pour le souper ne saurait détruire. On me propose une partie. Je la refuse, et je sors à minuit en m'échappant. Voilà qui est bien simple, direz-vous. Qui n'en ferait autant ? Je vous le donne en 10, écoutez seulement. Est-ce que mon laquais, qui est un crispin des mieux dégourdis, n'a pas eu l'esprit de foutre la femme de chambre pour éviter l'ennui ? Or, ce jour-là, il est presque aussi triste que moi. Sa charmante le presse autant que la mienne, et comme il est d'un naturel confiant, il avoue que la nuit dernière, j'ai soupé chez la duchesse une telle que l'on m'a fait, malgré moi, tailler un pharaon, que le jeu était diabolique, que j'ai perdu énormément, et qu'étant peu riche, je suis étrangement incommodé. Mais ce qui me tourmente, c'est d'avoir été obligé de mettre en gage le diamant que m'a donné la présidente, hélas. Cette bague n'a pas même été suffisante avec tous mes bijoux pour dégager ma parole, et je suis sans un sou. Il retombe ensuite sur lui-même, car le drôle est presque aussi coquin que moi. On l'a forcé aussi de jouer, et sa montre est avec mes effets chez Madame la Ressource. La pauvre Adélaïde, qui aime le pandard, tire de son armoire 40 écus, qui composent sa petite fortune, et sont même le fruit de mes dons. Le scélérat les empoche, mais il a bien un autre manège. J'ai aperçu des chuchotages de la présidente à sa femme de chambre, des allées, des venues. C'est que l'on a conté tout cela à madame, que madame a fait répéter tout cela à mon bandit, et que sur le champ, elle lui a remis 500 louis. 12 000 francs ? En or, vous dis-je, pour aller tout dégager et fournir le supplément. Quand je sors, je retrouve mon fourbe dans mon carrosse, et nous portons le magot en triomphe chez moi. Comment ? Tout cela n'était pas vrai ? Mais d'où diable viens-tu donc ? C'est incroyable. Tu ne te formes point, mais aiguise donc ton intelligence. Le lendemain, à 7 heures, en déshabillé leste, je cours chez la présidente. Une joie douce brillait dans ses yeux. J'ai son diamant au doigt. Je veux la faire parler, car vous noterez que sous peine de la vie, mon laquais ne doit m'avoir rien avoué. Elle me fait un mensonge avec toute l'adresse, toute la noblesse de la générosité. Mais elle voit bien à la vivacité de mes caresses que la reconnaissance les enflamme, et que je ne suis pas sa dupe. Un peu remis de mes transports, je parle de bienfaits. On m'impose silence en me disant que si l'on avait été assez heureuse pour me rendre un service, j'en ôterais tout l'agrément. Dieu, comme ma voix est touchante. Comment, monstre, tant d'amour et de générosité ne te touchent pas ? Si fait par Dieu. Et pour lui montrer ma gratitude, un peu aussi pour m'en débarrasser, je la marie avec un homme de ma connaissance qui la rend la femme la plus heureuse de Paris. D'amant que nous étions, nous devenons amis, et je vole, non pas à de nouveaux lauriers, mais à de nouvelles bourses. Dégoûté de l'amour parfait, de la jouissance méthodique de la dévote et de la présidente, je languissais tristement. Quand mon bon ange me conduisit chez Madame Saint-Just, fameuse maquerelle pour les parties fines, rue Tiquetonne, je lui annonce que je suis vacant, et surtout que le diable est dans ma bourse. Elle me présente sa liste. Parcourons-la. Premièrement, Madame la baronne de Combailles. Foutre. Voilà un beau nom. Qui est-ce que cette femme-là ? C'est une petite provinciale qui est venue à Paris dépenser 50 ou 60 000 francs qu'elle amassait depuis 10 ans. En reste-t-il encore beaucoup ? Non, passons. Pourquoi cette bougresse-là s'avise-t-elle de prendre un nom de cour ? Deuxièmement, Madame de Cussouple. Combien donne-t-elle ? 20 louis par séance ? Paie-t-elle d'avance ? Jamais. Et puis, ce n'est pas votre affaire, elle est trop large. Troisièmement, Madame de Fort-en-Diable. Tenez, voilà ce qu'il vous faut. C'est une Américaine, riche comme Crésus. Et si vous la contentez, il n'y a rien qu'elle ne fasse pour vous. Eh bien, tu me présenteras. Demain, si vous voulez. Ici ? Dans son hôtel même. Ce nom-là a quelque chose d'infernal qui me divertit. Je rends la liste, quand, d'un air de mystère, la bonne Saint-Just m'adresse cette exhortation. Mon cher ami, vous avez beaucoup vu de jeunesse. Qui avez-vous gagné ? La vérole. Pourquoi ne pas écouter les conseils de la sagesse ? J'ai dans ma maison une vraie fortune, une vieille. Le diable te foute. Et que votre souhait s'accomplisse. Encore mieux vaut lui que rien. Mais il ne s'agit pas de cela. Je vous parle d'un trésor. Fiez-vous à moi et nous la plumerons. Allons, je le veux bien. Je me rapporte à ta prudence. En attendant, je me rends le lendemain à 7 heures du soir chez mon américaine. Je trouve de la magnificence, un gros luxe, beaucoup d'heures placées sans goût, des ballots de café, des essais de sucre, des factures, enfin un goût de mariné que je n'ai, sacre Dieu, que trop reconnu dans maintes occasions. Ce qui me tourmentait était d'entendre dans un cabinet voisin une voix d'homme, dont les gros éclats me mettaient en souci. Enfin la porte s'ouvre. Qui serait-ce? Ma déesse, mes foutres, quelle femme! Imaginez-vous un colosse de 5 pieds 6 pouces, des cheveux noirs et crépus, ombrage un front court. De larges sourcils donnent plus de dureté à des yeux ardents. Sa bouche est vaste. Une espèce de moustache s'élève contre un nez barbouillé de tabac d'Espagne. Ses bras, ses pieds, tout cela est d'une forme homme masse. Et c'est sa voix que je prenais pour celle du mari. « Foutre, dit-elle à la Saint-Just, où as-tu pêché ce joli enfant ? Il est tout jeune, mais qu'il est petit. N'importe, petit homme. » Belle queue. Pour faire connaissance, elle m'embrasse à m'étouffer. Sacre Dieu, il est timide, oh, oh. C'est un garçon tout neuf, nous le ferons. Mais est-ce que tu es muet ? Madame, lui dis-je. Le respect. J'étais abasourdi. Et tu te fous de moi avec ton respect. Adieu, Saint-Just. Ça, je garde mon fouteur. Nous soupons et couchons ensemble. Nous restons seuls. Ma belle se plonge sur un sofa. Sans m'amuser à la bagatelle, je saute dessus. Dans un tour de main, la voilà au pillage. Je trouve une gorge d'un rouge brun, mais dure comme marbre, un corps superbe, une motte en dôme et la plus belle perruque. Pendant la visite, ma belle soupirait comme un beugle, semblable à la cavale en furie, son battait l'appel et son la chamade, sacre Dieu. Une sainte fureur me transporte. Je la saisis d'un bras vigoureux, je la fixe un moment, je me précipite. Ô prodige ! Ma bougresse est étroite. En 2 coups de rein, j'enfonce jusqu'au couillon. Je la mords, elle me déchire. Le sang coule. Tantôt dessus, tantôt dessous, le sofa crie, se brise, tombe. La bête est à bas. Mais je reste en selle. Je la presse à coups redoublés. Va, mon ami, va, foutre. Ah, ah, va fort. Ah, bourre, ah, que tu fais bien ça ? Ah, ah, ah, sacre Dieu, ne m'abandonne pas. Oh, oh, oh, encore, encore. V'là que ça vient. À moi, enfonce, enfonce. Sacrée bougresse. Son Jean Foutre de qui va comme la grêle m'a fait déconner. Je cours après. Mon brûle. Je le rattrape par le chignon. Ce n'est pas celui du cou. Je rentre en vainqueur. Ah, oh, dit-elle, je me meurs. Foutugueuse. Je grince des dents. Si tu ne me laisses pas décharger, je t'étrangle. Enfin, haletante, ses yeux s'amollissent. Elle demande grâce. Non, foutre. Point de quartier, je pique des deux. Ventre à terre, mes couilles en fureur font feu. Elle se pâme. Je m'en fous et je ne la quitte que quand nous déchargeons tous les deux le et le sang ensemble. Il est temps, je crois, de remettre sa culotte. Un peu rendue à nous-mêmes, ma houssarde me félicite en se congratulant. Elle va faire bidet, et moi je relève le sofa du mieux que je puis. « Que fais-tu là ? » me dit-elle en rentrant. « Mon ami, mes gens sont accoutumés à cela, et j'ai un valet de chambre tapissier qui fait la revue tous les matins. Vous pensez bien que nous ne parlons pas sentiment. » Est-ce qu'elle s'embarrasse de ces foutaises-là ? Nous voyons sa maison, son magasin, qui est de l'or en barre. Les trésors des 3 parties du monde s'y rassemblent. Enfin, nous arrivons dans un cabinet. Elle ouvre un coffre. « Tiens, me dit-elle, prends ce portefeuille. » Je fais des façons. « Allons foutre, quand on... comme toi, on a le moyen d'acquitter ces bagatelles. » Je le mets dans ma poche, non sans avoir remarqué qu'il contient pour 500 louis de bonnes lettres de change. Voilà ce qui s'appelle des douceurs. Nous soupons, ma foi, j'en avais besoin. C'est elle qui me sert des morilles, des truffes au coulis de jambon, des champignons à la marseillaise. Au dessert, les pastilles les plus échauffantes, sans oublier les liqueurs de Madame Enfou. De la table, nous nous élançons au lit. Et de la vie, je crois, on a vu pareille scène. Rendez-vous pris au surlendemain. J'arrive. Madame est malade. Hélas. Et c'est tout simple. Elle avait excessivement chaud, quelque chose que j'ai dit. Elle a voulu que j'ouvrisse la fenêtre au mois de janvier. Une fluxion de poitrine lentaire en 3 jours. Oh, douleur! Je vais lui dire un de profundis chez la Saint-Just. Après avoir essuyé ses larmes et ses doléances, car elle me proteste que ma princesse était une de ses meilleures pratiques, je l'assure que, très touché de cet accident funeste, j'ai fait des réflexions. Et qu'ayant toujours honoré la vieillesse, je viens lui demander ses bons offices pour me consacrer au service de la douairière dont elle m'a parlé. Nous prenons jour, et j'obtiens sous vitaine l'avantage d'être introduit chez Madame In Aeternum. On m'avait prévenu qu'elle était fort riche. en sorte que la grandeur de l'hôtel, la beauté des livrées et des ameublements ne me firent pas d'effet. Au contraire, j'en dévorais d'avance la substance, et, sacre Dieu, la fée ne devait-elle pas s'alimenter de la mienne? Le tête-à-tête était ménagé, l'on m'attendait, j'avais relevé mes appâts. À force de vouloir réparer les siens, ma vieille était encore à sa toilette, asile impénétrable. Je suis introduit en attendant dans un boudoir lilas et blanc. Des panneaux placés avec art réfléchissaient en mille manières tous les objets, et des amours dont les torches étaient enflammées éclairaient ce lieu charmant. Un sofa large et bas exprimait l'espérance par les coussins vert anglais dont il était couvert. La vue se perdait dans les lointains formés par les glaces et n'était arrêtée que par des peintures lascives que mille attitudes variées rendaient plus intéressantes. Des parfums doux faisaient respirer à long trait la volupté. Déjà mon imagination s'échauffe, mon cœur palpite, il désire. Le feu qui coule dans mes veines rend mes sens plus actifs. La porte s'ouvre, une jeune personne s'offre à mes yeux. Un négligé modeste, une simplicité naïve, des charmes qui n'attendent pour éclore que les hommages de l'amour, des détails délicieux. Telle se montre la jolie nièce de ma douairière, la belle Julie. Elle m'offre les excuses de sa tante, qu'une affaire arrête, et me prie d'agréer qu'elle me tienne compagnie. Je réponds à ce compliment par les politesses d'usage, et nous nous asseyons sur des fauteuils dans un coin de la chambre. Julie s'éloignait du sofa, hélas qu'il était bien plus à craindre pour moi. Mes yeux erraient sur elle, je sentais toute la timidité d'un amour naissant, tous les combats de ma raison contre mon cœur. Le feu de mes regards en imposait à Julie. Notre conversation languissait en apparence, mais déjà nos âmes s'entendaient. Mademoiselle fait sûrement le bonheur de sa tante, puisqu'elle est sa compagne. Monsieur, ma tante a de l'amitié pour moi. La foule qui abonde chez elle a sans doute de quoi vous plaire et vous plaisir. Julie soupire. Mille adorateurs. Le feu me monte au visage. Ah! Monsieur, combien de ces adorateurs méritent d'être évalués ce qu'ils sont en effet? Quoi, vous n'en auriez pas trouvé dont l'hommage eût su vous intéresser? Elle se trouble. Pardon, bon Dieu, j'allais commettre une indiscrétion. Mais, mademoiselle, me condamnerez-vous à le désirer? Nous entendons du bruit. Un regard assez expressif est toute la réponse de Julie. La tante avait fini sa toilette. Elle s'avance. Peignez-vous, mon ami, un vilain enfant de 60 ans? Sa figure est un ovale renversé. Une perruque, artistement mêlée avec un reste de cheveux, retint en noir et ombrage la pointe. Des yeux rouges, et qui louchent pour se donner un regard en coulisses, une bouche énorme, mais que Bourdet a fort bien meublé. Du blanc, du rouge, du vermillon, du bleu, du noir, arrangé avec un art. Une symétrie que des yeux connaisseurs et un odorat exercé peuvent seuls découvrir. Une robe à l'anglaise, puce et blanche, se rattache par des nœuds de gaz, d'où s'échappent des coulants de perles, qui, retombant en ondes, se terminent par des glands d'un goût exquis. Un coutil couvre la place où pouvait être une gorge il y a 40 ans. Voilà ce que je démêlais au premier coup d'œil. Heureux si je n'en eusse vu ni senti davantage. « Mon Dieu, mon cher cœur, me dit-elle, en minaudant et se laissant aller sur le sofa où elle m'entraîne. Je suis désolée de vous avoir laissé ennuyer avec une petite fille. » Julie s'est éclipsée. « C'est ma nièce. Et cela connaît si peu le monde. »« Comment, madame, votre nièce ? Mais on ne le croirait pas à l'âge dont elle paraît. » Cela est vrai, mais sa mère est infiniment mon aînée. » Puis saisissant une de mes mains. « La Saint-Juste, mon cher, m'a parlé de vous, mais d'une manière extraordinaire. Elle raconte des choses, oh! Pour cela, incroyable, ces sortes de femmes nous vantent quelquefois, mais si je lui eus jamais une obligation, c'est de m'avoir mise à portée de vous offrir mes hommages. Tiens, mon cœur, bannissons la cérémonie. Ton air me prévient. Tu es jolie, sois sage, et sûrement tu ne t'en repentiras pas. » Il est temps de passer dans mon salon. J'ai du monde, tu souperas. Une révérence est ma réponse. Un baiser me ferme la bouche. Ah, sacre Dieu, c'est du vernis tout pur. Ne joue pas, continua-t-elle. Cause avec ma nièce, tu sembleras être son amant. Ah, charmante vieille, l'aurore de l'amour vient me luire. Que je t'embrasse de bon cœur, mais foutre la peinture. Et nous nous rejoindrons quand ces importuns seront bannis. Mon supplice est donc retardé. Nous entrons au salon. Nombreuses compagnies s'y rassemblent, et pendant que Julie et sa tante arrangent les parties, moi je réfléchis. Amour, amour, tu viens donc encore me décevoir, m'égarer, me percer, Dieu cruel. N'ai-je donc pas été assez longtemps ta victime? Veux-tu te venger? Quel rôle vas-tu m'imposer? Objet du caprice d'une hideuse vieille, la beauté, les grâces feront mon tourment, hélas, enfant trop aimable. si j'ai jamais su conquérir des cœurs, en soumettre à ton empire, si j'ai fait fumer sur tes autels un encens qui te fut agréable, ah, protège-moi, je suis exaucé, une art de renouvellement brase. Julie, la belle Julie, recevra mon cœur, mes transports, et sa tante abusée n'aura de moi qu'un tribut chèrement acheté. Le jeu fait régner le silence. Tout le monde est occupé. Julie, au bout du salon, tient un ouvrage par convenance, et je suis auprès d'elle. Elle est inquiète, je suis timide. « Quoi ?» me dit-elle. « On vous a déjà assigné votre personnage ?»« Ah !»« Mademoiselle, si vous daignez lire dans mon cœur, vous verrez combien il m'est cher. »« Je l'avoue, monsieur, quelque coutumé que je sois à ses propos et aux motifs qui les fait tenir, j'aurai plus de peine à les supporter de vous que de tout autre. »« Vous me les défendez donc, mademoiselle ?»« Ah, je ne le vois que trop. » Vous me confondez dans la foule des lâches que votre tante entretient à ses gages. Vous me croyez revêtu d'un masque trompeur, je l'ai bien mérité. N'importe, il faut vous délivrer d'un objet qui vous déplaît. Peut-être vous ferai-je m'estimer. Ah, belle Julie, vous saurez un jour que je ne me suis exposé à votre haine. Mais vous ne voudrez pas m'entendre, vous m'aborrez, me méprisez, et je ne pourrai pas soutenir longtemps vos dédains. Je me lève. Mon Dieu, monsieur, me dit-elle tout effrayée, qu'allez-vous faire ? Je serais perdu, ma tante m'accuserait. Que sais-je? Peut-être de l'avoir trahi. Non, non, elle aurait tort. Vous la servez trop bien. Vous la servir, Julie, Dieu. Quelle idée! Et pour votre amant? Julie se trouble et fait un effort pour sourire. Mon amant, y pensez-vous? Vous êtes cependant arrivé sous des auspices. Je vous entends, mademoiselle. Et si ce moyen eût été le seul pour parvenir auprès de vous, me trouveriez-vous si condamnable? Depuis 6 mois, je vous adore. Vous vous doutez, mon cher ami, que je n'en savais pas un mot. Je suis partout vos pas. Je brûle en secret, je m'informe, on m'instruit sur l'humeur de votre Argus, et je suis obligé de couvrir du voile le plus déshonnête, le sentiment le plus pur qui fut jamais. La pauvre petite, comme elle est oppressée, comme son sein s'élève, quel sein grand Dieu, chienne de vieille. Il faudra donc que je te donne ce profit-là. Vous ne répondez pas, de grâce, Julie, nous n'avons qu'un moment, décidé de mon sort. Pourquoi me rendre la double victime de vos rigueurs et des faveurs de votre tante ? Ce mot « faveur » fut prononcé d'un ton si triste qu'il était persuasif. La petite en sourit. « Eh bien, je vous crois, me dit-elle. Pourquoi me tromperiez-vous ? Je suis déjà si malheureuse. Et hélas, il ne tient qu'à vous de me le rendre bien davantage. » Je ne vous détaillerai pas le reste d'une conversation gênée par les observateurs, mais pour tout dire en un mot, nous convainc que je serai l'amant de la tante, et que nous saisirions tous les moments favorables pour nous voir, en affectant, la petite et moi, beaucoup d'indifférence l'un pour l'autre. On soupe. Après souper, je fais un brelan avec ma chère tante. Tout le monde défile. Julie, dès minuit, s'était retirée. Je reste seul. C'est alors que la vieille, par ses tendres caresses, me montre toute la rigueur de mon sort. Cependant, j'y réponds en grimaçant. Elle sort pour se rendre à sa chambre à coucher, et moi pour faire ma toilette de nuit. Enfin, l'heure du berger. L'heure fatale sonne. Une femme de chambre m'appelle. J'arrive, cherchant partout ce que tu sais et ne trouvant rien. Rien ? Rien où le diable m'emporte. Devine où il était allé se nicher, à côté d'une grosse bourse bien remplie, placée entre 2 bougies sur la table de nuit de madame. Je le repris en passant. Ma déesse était encore nette, sacre Dieu, qu'elle avait d'appât. Son lit à la turque de dame à jonquille semblait assorti à son teint, car celui du jour était répandu sur 10 mouchoirs qui invoquaient la blanchisseuse. Un sourire, quelle grimace me fait apercevoir qu'elle ne mord point. Enfin, je grimpe sur l'autel. Et hélas, il fallait bien de misère, ou renoncer à Julie et à cette bourse devenue nécessaire, car le maudit brelan m'avait arraché les derniers louis qui fussent en ma possession. Que parlais-je de possession ? J'en ai, sacre Dieu, bien une autre. Regarde, mon cher ami, c'est pour toi que je n'abaisse pas la toile. Je parcours des mains et des pieds les vieux charmes de ma dulcinée. De la gorge, je lui en prêterai au besoin. Des bras longs et décharnés, des cuisses grêles et desséchées, une motte abattue, un flétri, et dont l'ambre qui le parfume à peine affaiblit l'odeur naturelle. Enfin, n'importe, je ferme les yeux. J'arpente ma haridelle et j'enfourne. Ses 2 jambes sont passées par-dessus mes épaules. D'un bras vigoureux, je la chausse sur mon... Une bosse de grandeur honnête que je viens de découvrir me sert de point d'appui pour l'autre main. Son cou tendu m'allonge un déplaisant visage qui, gueule béante, m'offre une langue appesantie, que j'évite par une forte contraction de tous les muscles de ma tête. Enfin, je prends le galop. Ma vieille sue dans son harnais, sa charnière enrouillée s'électrise et me rend presque coup sur coup. Ses bras perdent de leur raideur. ses yeux se tournent, elle les ferme à demi, et réellement ils deviennent insupportables. Sacre Dieu, j'enrage, cela ne vient pas, je la secoue, et tout à coup la bougresse m'échappe. Foutre, la fureur me prend, je m'échauffe, le talon tendu contre une colonne, je la presse, je l'enlève, la voilà qui marche, ah mon ami. Mon petit, ah mon cher cœur, je me meurs. Ah, je ne les comptais plus, il y a si longtemps. Ah, ah, ah, je, mon cher ami, je décharge. Le diable m'emporte, ces convulsions me tiennent 5 minutes dans l'illusion. La vieille coquine avait une jouissance comme à 30 ans. Elle fut longtemps à se remettre, elle était épuisée dans toute la force du terme. Moi, j'étais en eau. Mais voici une bien autre histoire. En m'essuyant, je trouve une double perruque. C'était celle de Marie-Baude, qui n'étant que collée, se joignait à la mienne par esprit de sympathie. Le désordre de la bonne dame était risible. Son bonnet et la toison qui lui tenaient lieu de chevelure, tout était au diable. Elle avait l'air honteux. « Tiens, ma bonne, lui dis-je, entre nous, point de façon. Je t'aime mieux tout naturellement, et pour preuve de cela, je veux te recommencer. À ces mots, je la ressaute, et j'amène l'aventure à bien. Pour cette fois, elle n'avait point de dents, Dieu merci, car j'eusse été dévorée. »